Unité 43, l'accord du participe passé. Tu as pris les places ? Oui, je les ai prises. Je les ai réservées sur Internet. 2. Prononciation. Quand on fait l'accord d'un participe passé terminé par une consonne, la prononciation change au féminin. J'ai pris les places. Je les ai prises. Regarde, j'ai fait des photos. Regarde les photos que j'ai faites.